Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 1er du troisième traité. Second paragraphe, Marie exemple de la concupiscence. Par la concupiscence nous n'entendons autre chose ici qu'une propension désordonnée de l'appétit sensitif, qui prévient quelquefois nos délibérations, et nous entraîne pour ainsi dire, quoique sans faute de notre part, à des mouvements déréglés. C'est une peine du péché originel, puisque la révolte de la volonté contre Dieu fit cesser la parfaite subordination des sens à la raison, du corps à l'esprit, en sorte que bien souvent les plus grands saints eux-mêmes sont forcés de s'écrier avec l'apôtre, Romains 7, 24. À qui me délivrera de ce corps de mort? Je sens dans mes membres une loi contraire à celle de la raison, une loi qui cherche à me rendre esclave de la loi du péché, ou de la concupiscence, qui habite dans mon corps. Le péché originel, il est vrai, est remis par la grâce du sacrement de baptême, mais cette grâce ne détruit pas le principe du mal, Dieu permettant qu'il subsiste. On demande maintenant si un tel principe existait dans Marie. Il n'est pas question ici de l'acte résultant de ce principe, ou du péché auquel il nous sollicite, mais seulement de l'acte premier, ou de l'inclination au mal prise en elle-même. Cette inclination exista-t-elle dans Marie? Pour ceux qui admettent que la très sainte Vierge fut conçue sans la tache du péché originel, cet article n'offre aucune difficulté, il est clair alors qu'étant tout à fait exempte de la faute, elle le fut aussi de la peine. Et pour ceux qui pensent différemment, je réponds que même ceux-ci, en suivant saint Thomas, accordent volontiers que la concupiscence fut tout au moins enchaînée ou retenue dans Marie, de manière qu'il ne put en résulter aucun acte désordonné, et cela dès sa première sanctification, qu'ensuite elle disparut totalement dans la seconde sanctification qui eut lieu, selon eux, quand la très sainte Vierge conçut dans ses chastes entrailles le Verbe éternel. En conséquence, ces derniers admettent que dans tout le cours de la vie de la très sainte Vierge, il n'y eut aucune action, je ne dirais pas coupable, mais même tout à fait indélibéré qui sortit des limites de la droite raison et de l'honnêteté. Ainsi non seulement la Sainte Vierge ne fut jamais vaincue par la concupiscence, mais elle n'en éprouva pas même les attaques. Il n'y eut dans Marie aucun mélange de ténèbres, c'est trop peu, il n'y eut en elle rien de terne, ou de moins éclatant, on ne vit jamais en elle la moindre tiédeur. Sa ferveur fut parfaite et continuelle, saint Bernard, Magnificat sentence 3. Jamais son imagination ne fut souillée d'images impures, jamais son corps ne fut agité par des mouvements indélibérés, jamais un rire immodéré ne parut sur ses lèvres, jamais on ne remarqua dans son extérieur la moindre chose qui ne permît de la proposer comme un miroir de perfection. Saint Ambroise livre 2 de Virginibus. Supposez cette vérité, qui est accordée par ceux-là même qui nièrent la conception immaculée, il me semble, conformément à ce qui sera dit dans le paragraphe suivant, que la concupiscence fut non seulement enchaînée en Marie, mais même éteinte dès l'instant de sa conception, ou, pour parler plus clairement, qu'elle n'exista jamais chez elle. La grâce qui lui fut accordée au premier moment de son existence fut si abondante qu'elle éteignit ou comprima la concupiscence même. Je ne prends pas la peine de m'arrêter davantage sur ce sujet, parce qu'évidemment la question est de peu d'intérêt, dès qu'on accorde, ce que j'ai principalement intention de prouver, qu'il n'y eut jamais dans Marie aucun acte. Je ne dirai pas coupable, mais tant soit peu déréglé. Quel miroir, Ô mon cher lecteur, avons-nous dans Marie? Oui, contemplons-la assidûment, nous ne verrons rien en elle qui ne soit tout à fait digne d'imitation. J'ai lu qu'un évêque n'aimait pas de trop regarder Saint François de Sales, de peur de découvrir en lui quelque légère imperfection qui lui fit perdre la haute idée qu'il s'en était formé. Nous n'avons certes rien de semblable à craindre à l'égard de Marie, nous pouvons la contempler autant que nous voulons, plus nous la considérerons, plus elle paraîtra belle à nos yeux, et nous ne pourrons conclure autre chose, sinon que Marie est toute belle, qu'elle est un miroir sans tache. Oui, ô Marie, je veux vous contempler autant que je le puis, afin de m'affectionner à votre beauté surhumaine, je vous veux pour modèle. Mais, hélas, quand je suis en votre présence, que je me trouve horrible à mes propres yeux, en vous tout est réglé, en moi tout est déréglé, en vous tout respire la modestie et la dignité, en moi il n'y a que désordre et confusion. Ah, obtenez-moi du moins que le dérèglement des sens n'entraîne pas avec lui le consentement de l'esprit et du cœur. Que j'endure ce désordre, c'est une juste peine du péché, mais que je n'ajoute pas à mes anciens péchés de nouvelles fautes, de nouvelles offenses de mon Dieu. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.